des Ramsès et des Emeraudes. Mira, non, font des tournantes dans les foyers. Les gens n'ont rien à faire, alors ils critiquent sans arrêt. Te voient, te font 4 bis, par derrière ils te visent. Peu importe ce qu'ils te disent, en temps de crise ils remisent. J'ai trop souffert de la trahison des êtres qui m'étaient chers. En temps de guerre, les personnes déloyales ne coûtent pas cher. On demande des toutes nouvelles, même quand on vient de te voir. Juste pour savoir s'il y a des nouvelles histoires. C'est t'arrives des embrouillés que tu fais cracher des douilles. Attends-toi à recevoir la visite d'une patrouille. On prêche le faux pour savoir le vrai. Je suis peut-être pas parfait, mais ma langue n'est jamais tombée et tu le sais. Je m'en fous, khalli omi adrou alia. J'ai pas besoin de ton avis, encore moins de ta jalousie. Tu finiras par te lasser. La vie des autres, ton seul souci, à croire que tu n'as rien compris. Je préfère te laisser parler, ok. Laisse-les parler, ils seront vite zappés. Je ne calcule pas, les critiques me font avancer. Laisse-les parler, ils finiront par me lâcher. Je reste forte, rien ne m'empêchera d'y arriver. Laisse-les parler, خليهم يادروا عليا يا ناوي والله ما على باليش يا مدبيا.